الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. أولٌ بلا بداية Premier, sans début. آخرٌ بلا نهاية Dernier, sans fin. بيده النصر والولاية La victoire et la tutelle appartiennent à lui. وبيده الضلال والهداية Et il détient de la même façon l'égarement et la guidée. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Tout ce qui est sur elle, ça veut dire la terre, est appelé à disparaître et il restera le visage de ton Seigneur digne de la haute majesté et de la grande noblesse. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالت الملائكة لما سمعت هذه الآية هلك أهل الأرض Lorsque les anges ont entendu ce verset dire les gens de la terre ont tous péri فنزلت الآية الكريمة Et il y a eu la révélation d'un autre verset coranique كل شيء هالك إلا وجهه مش فقط كل من عليها فان كل من على الأرض فان لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Toute chose est appelée à périr Ça veut dire pas seulement les gens qui sont sur la terre vont disparaître mais toute chose dans l'univers toute chose est appelée à périr exemptée Son visage, ça veut dire de Dieu, c'est à lui qu'appartient le jugement et c'est à lui que vous serez retournés. فَأَيْقَنَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْهَلَكِ Et à ce moment-là, les anges eurent la certitude de périr eux aussi. أخي, أختي, frère, sœur, بعدما تموت كل المخلوقات après le décès de toutes les créatures, وبعد موت ملك الموت, et après le décès de l'ange de la mort, يبقى الله وحده, restera Dieu l'unique. Il va rester seul. سبحان ذي الملك والجبروت, gloire et pureté au possesseur du règne et de la puissance éternelle. سبحان الحي الذي لا يموت, Gloire et pureté au vivant éternel. فَيَقُولُ اللَّهُ Et Dieu va dire à cet instant, après le décès de tout le monde, أَنَا الْجَبَّارُ Je suis le Tout-Puissant. أَنَا الْجَبَّارُ Et il va répéter cette phrase trois fois. أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْجَبَّارُ ثُمَّ يَقُولُ Et par la suite, il dira, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ À qui appartient la royauté aujourd'hui ? Ou bien qui est le roi aujourd'hui ? Thalath marrat, il va répéter cette phrase trois fois. Liman il mulku al-yawm ? Liman il mulku al-yawm ? Fala yujibu ahad. Et personne ne lui répondra. Mat al-jami'. Tout le monde est mort. Fayaqul, et à ce moment il dira لله الواحد القهار يسأل ويجيب على سؤاله لله الواحد القهار Dieu donnera une réponse à sa question c'est Dieu l'unique ça veut dire le roi de ce jour وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme a interrogé une fois le prophète, prière et salut sur lui. متى الساعة? Quand est-ce qu'il y aura l'heure? L'heure avec grand H, l'heure finale, la fin du monde. Quelle est la date de l'heure? متى الساعة يا رسول الله? قال أجاب النبي. Le prophète prière et salut sur lui a donné cette réponse. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. Quand on donnera la responsabilité à ceux qui ne la méritent pas, فانتظر الساعة. Attends à ce moment-ci l'heure. Quand les gens incapables, quand les gens inaptes à prendre des hautes fonctions vont prendre ces hautes fonctions, à ce moment-là, attends l'heure. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari, Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Fi hadha al-usbu' marrat al-dhikra al-khamisa li suqut Baghdad. Pendant cette semaine, il y a eu le cinquième anniversaire de la chute de Bagdad. Wa kana suqut Baghdad fi shahr Safar. Et la chute de Bagdad a eu lieu dans le mois qui s'appelle Safar. C'est le deuxième mois dans l'année de l'Hijr. Yani huwa ash-shahr ath-thani min as-sana al-Hijriyah. Wal gharib fi al-amr. Et ce qui est étrange, أن أرض العراق عرفت عبر التاريخ ثلاث أحداث كبيرة في هذا الشهر في شهر صفر. Ce qui est étrange, c'est que le pays d'Irak a connu à travers son histoire trois grands événements pendant le mois de Safar. الأول في سنة 16 هجرية. Le premier événement majeur a eu lieu en l'an 16 de l'Hijr. 6 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 6 ans après le décès du prophète, prière et salut sur lui. والثاني الحدث الثاني في سنة 656 للهجرة. Le deuxième grand événement a eu lieu en Irak en l'an 656 de l'Hégire. Sittat qurun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Six siècles après le prophète, prière et salut sur lui. Wa thalith qabla khamsi sanawat min al-yawm. Et le troisième événement a eu lieu à 5 années après, avant aujourd'hui. يعني في سنة 1424 هجرية, ça veut dire en l'an 1424 de l'Hijr, 14 قرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, 14 siècles après le prophète. كل هذه الأحداث وقعت في شهر صفر. Tous ces événements ont eu lieu pendant le mois de Safar. كان هذا الموجز وأمر إلى التفاصيل. Ceci était le sommaire et je passe maintenant vers le développement مع الحدث الأول, avec le premier événement. وكان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب radiallahu anhu. Le premier événement a eu lieu à l'époque de l'émir des croyants Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. الذي أرسل جيشا على رأسه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في اتجاه العراق لمحاربة جيش الفرس. Omar, qui envoya une armée sous la direction de Sa'd, fils de Abu Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, dans la direction de l'Irak afin de combattre l'armée perse. والتقى الجيشان, les deux armées se rencontrèrent sur la terre d'Irak. على أرض القادسية, sur le sol du site qui s'appelle القادسية, جنوب بغداد, غرب نهر الفرات, au sud de Bagdad, à l'ouest du fleuve l'Euphrate, و القادسية تبعد ب 160 كيلومتر تقريبا من العراق. Ce site Al-Qadisiyya est loin de Bagdad à peu près de 160 km vers le sud. Avant la bataille, arsala qaidul muslimin Rab'iya ibn Amir karasulin ila Rustum qaid al-Furs. Avant le début de la bataille, le commandant musulman a envoyé Rab'i, fils de Amir, comme messager ou comme envoyé vers le général perse qui s'appelait Rustum. فقال له Rustum. Rustum lui dit, ما جاء بكم? Qu'est-ce qui vous a fait venir vers nous? ما جاء بكم عندنا? فقال Rab'i ibn Amir كلمته الشهيرة. Rab'i, fils de Amir, lui a donné cette réponse qui est devenue célèbre par la suite. J'ai'na l'inukhrij al-ibad. Min ibadati al-ibad ila ibadati Allah ta'ala wa tabarak. On est venu pour faire sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration de Dieu. وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا, et les faire sortir de l'étroitesse de la vie ici-bas vers sa largesse. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, et les faire sortir de l'injustice des religions vers l'équité de l'islam. وَسَنُقَاتِلُكُمْ حَتَّى نَصِلَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ, et nous allons vous combattre jusqu'à atteindre la promesse de Dieu. Qala Rustum. Rustum dit, wa ma maw'udullah, et quelle est cette promesse de Dieu? Qala Rab'i. Rab'i lui dit, al jannatu liman mat wan nasru liman baqi. Le paradis promis aux morts et la victoire promise aux survivants. Wa bada'at al ma'raka, et la bataille ou la guerre a commencé. عدد المسلمين ما بين 7,000 و 8,000. Le nombre des musulmans était entre 7 et 8 000. وعدد الفرس 60,000. Et le nombre des combattants ou des soldats professionnels perses 60,000. 60,000 contre 7 à 8 000 musulmans. على كل مسلم أن يقاتل في المعدل 7 رجال ونصف. Ça veut dire en moyenne, chaque musulman devait combattre 7 personnes et demi. ومع الفرس 33 فيلا. L'armée perse était accompagnée de chars très forts qui étaient des éléphants. ودامت المعركة 4 أيام. La bataille dura 4 jours. وانتهت بقتل رستم وانتصار المسلمين, et elle s'acheva par la mort du général Rustum et par la victoire des musulmans. وهرب الفرس إلى عاصمتهم المدائن. Les Perses ont pris la fuite vers leur capitale Ctesiphon. وقطعوا نهر دجلة على سفنهم, et ils ont traversé le fleuve du Tigre sur leur bateau. فلما وصل المسلمون إلى دجلة lorsque les musulmans atteignirent le fleuve du Tigre لم يجدوا سفنا ils n'ont pas trouvé des bateaux ما العمل que faire فقال لهم قائدهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة leur général, leur commandant qui est l'ami du prophète prière et salut sur lui, Sa'd, fils de Abu Waqqas, qui fut l'un des 10 auxquels le prophète a promis le paradis, قال Sa'd رضي الله عنه. Sa'd, que Dieu soit satisfait de lui, dit اعبروا على ظهور خيولكم. Traversez le grand fleuve du Tigre sur le dos de vos chevaux. فقالوا بسم الله. Ils dirent au nom de Dieu. يعني لما تكون مع الله تصبح الدنيا كلها معك. Lorsque tu es avec Dieu subhanahu wa ta'ala, toute la vie, toute la nature devient avec toi. بسم الله au nom de Dieu. وبدأوا العبور. Et ils ont commencé la traversée. قال كأنهم يمشون على الأرض. Comme s'ils marchaient sur le sol. وكانت كرامة من الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce fut un prodige avec lequel Dieu a honoré les compagnons de son messager. فلما رأهم الفرس. قالوا lorsque les Perses de l'autre rive les ont vus, ils ont dit قالوا مجانين مجانين Diwan, diwan, bimana majanin, majanin. Ils ont dit diwan, diwan, ce qui signifie en perse des fous, des fous. Wallahi, ma tuqatiluna insan, bal tuqatiluna jinnan. Ils ont dit par Dieu, vous n'êtes pas en train de combattre des humains, mais plutôt des démons. Wa wasala al-muslimuna ila al-asima. Et les musulmans arrivèrent par la suite à la capitale. 30 والمدائن عاصمة الفرس تقع 30 كيلومترا جنوب شرق بغداد la capitale des Perses se trouvait à 33 kilomètres de Bagdad vers le sud-est فدخلوا المدائن ils entrèrent à Ctesiphon فلم يجدوا بها أحدا ils n'y trouvèrent personne الكل كل أهلها ذهبوا مع الملك. Tous les habitants ont pris la fuite avec leur roi. ودخل سعد رضي الله عنه إلى القصر الأبيض. Et Sa'd, que Dieu soit satisfait de lui, entra dans le château blanc, le château de l'empereur. وذلك في شهر صفر. Et ce fut pendant le mois de Safar. سنة 16 هجرية. L'année 16 de l'Égir, yani 651 miladia, ce qui correspondait à 651 de l'ère chrétienne. ولما دخل سعد إلى القصر قرأ هذه الآيات. Lorsque Sa'd a mis son pied dans le château blanc, il a répété ces versets coraniques. كم تركوا من جنات وعيون. Combien de vergers ont-ils laissé derrière eux et combien de sources ? وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ Combien de champs et de situations opulentes ? وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ Que de biens leur procurant mille jouissances ? كَذَلِكْ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ Il en fut ainsi et nous les donnâmes en héritage à d'autres gens. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ Ils ne furent pleurés ni par le ciel ni par la terre et on ne leur accorda aucun délai. آيات تصف ما ترك فرعون وجنوده بعد الغرق Des versets qui décrivait ce qu'a laissé Pharaon et son peuple après leur noyade. ماذا فعل سعد بعد النصر وهو في القصر الأبيض après la victoire, qu'est-ce que Sa'd a fait dans le château blanc? حفلة وسهرة طول الليل une soirée de fête pendant toute la nuit? لا, non. صلى ثمان ركعات شكرا لله تعالى وتبارك وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا بيد الله. صلى 8 ركعات شكرا لله الذي أعطاه النصر. Il fit 8 unités de prière pour remercier Dieu qui lui a accordé la victoire. وبعد ذلك تم فتح تكريت والموصل. Par la suite, il y a eu la conquête de Tikrit et de Mossoul. وانتهت الإمبراطورية الساسانية بالعراق. Et l'empire sassanide prit fin en Irak. ووصلت الغنائم إلى أمير المؤمنين عمر بالمدينة. Et le butin arriva chez l'émir des croyants Omar à Médine. وفيها حوائج الإمبراطور. Et dans le butin, il y avait les affaires de l'empereur, l'imperator Kaysar, Kisra. وما أدراك ما Kisra. فنادى عمر رضي الله عنه على سراقة. Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, appela سراقة. وأعطاه سواري كسرى. Et il lui a donné les deux bracelets de l'empereur. وقال له هذا ما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il lui a dit, telle est la promesse du prophète, prière et salut sur lui, à toi. إنه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة عند الهجرة منذ 16 سنة يتحقق 6 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. Donc il s'agit d'une promesse du prophète prière et salut sur lui faite à سراقة lors de l'égir. Et c'était depuis 16 ans. Et après 6 ans de la mort du prophète prière et salut sur lui, la promesse s'est réalisée. Et ceci constitue un miracle pour le prophète prière et salut sur lui, même après son décès. Al-Hadath al-Thani, le deuxième événement. Waqa'a fi ahd al-Dawla al-Abbasiyya. Ce deuxième événement a eu lieu pendant l'ère des Abbasides. وعاصمتهم بغداد. Leur capitale fut Bagdad. وهجم عليها التتار والمغول. Bagdad qui a été attaqué par les Tatars et les Mongols. وهم كفار يعبدون الشمس. Et il s'agissait de mécréants adorateurs du soleil. بجيش يضم 200,000 مقاتل. Le nombre de leur armée était égal à 200,000 combattants. وكانوا في طريقهم من شمال الصين إلى بغداد. Dans leur chemin du nord de la Chine jusqu'à Bagdad, كانوا يقتلون الرجال والنساء والأطفال. Pendant tout le chemin, ils tuaient les hommes, les femmes et les enfants. قال العالم المؤرخ ابن الأثير رحمه الله. Le savant historien fils de l'Athir dit, لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة. Je me suis abstenu de citer cette histoire pendant plusieurs années. كارها لذكرها. Détestant de le citer, ça veut dire cet événement. فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى. J'hésitais. J'avançais vers lui, ça veut dire vers cet événement avec un pas et je reculais avec un autre. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين. Qui lui est facile d'annoncer la mort de l'islam et des musulmans. فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي. Il a dit, aussi ma mère ne m'a pas enfanté. وَيَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا. Et si j'étais mort avant cet événement et je suis devenu par la suite un oublié. إلا أني حتني جماعة من الأصدقاء على تصطيرها. Sauf que un certain nombre d'amis m'ont exhorté à écrire cette histoire. إلى قوله وهؤلاء يعني التتار لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال. Et par la suite il a dit, ces Mongols n'ont laissé personne, ils ont tout massacré, les femmes, les hommes et les enfants. وَشَقُّوا بُطُونَ الْحَوَامِلِ Ils ont ouvert les ventres des femmes enceintes. وَقَتَلُوا الْأَجِنَّ Et ils ont tué les fœtus. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Il dit par la suite, nulle puissance et nulle force qu'avec l'aide de Dieu. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui que se fera notre retour. انتهى كلام المؤرخ لا prend la fin de la citation de cet historien. وأرسل قائد التتار هولاكو et le général des Tatars a envoyé vers le calife المستعصم أرسل قائد التتار إلى الخليفة المستعصم je dis le général Tatar هولاكو a envoyé un émissaire vers le calife المستعصم وكان في طريقه يرسل لأمراء المسلمين قبل الحرب قائلا et pendant tout son chemin de la Chine jusqu'à Bagdad il envoyait vers les émirs musulmans des messages de ce type يرسل لهم قائلا نحن جند الله on est l'armée de Dieu nous sommes les soldats de Dieu ينتقم بنا ممن طغى Dieu se venge grâce à nous des tyrans, des dictateurs. فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمْ Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. كَانَ مَعَهُ مُسْلِمُونَ خَوَنَا يَكْتُبُونَ لَهُ هَذَا الْكَلَامِ Il avait à ses côtés des musulmans traîtres qui écrivaient ce genre de paroles. وَنَحْنُ قَدْ أَهْلَكْنَا الْبِلَادِ Nous avons ravagé la terre. وَأَبَدْنَا الْعِبَادِ Nous avons anéanti les créatures. أَجِبُوا دَعْوَتَنَا تَأْمَنُوا شَرَّنَا Répondez à notre appel et vous serez en sécurité par rapport à notre mal. وَأَرْسَلَ إِلَى الْخَلِيفَ Il a envoyé vers le calife pour lui dire يَقُولُ لَهُ بِأَنْ يَهْدِمَ الْحُصُونَ Il a dit dans son message vers le grand calife de détruire les remparts. ويردم الخنادق الخنادق de terrasser de remblayer les tranchées ويتنازل لابنه عن السلطة et de laisser le pouvoir pour son fils c'est-à-dire le fils du calife وهذه مبررات للهجوم et c'était des justifications seulement pour pouvoir attaquer ورفض الخليفة le calife refusa وتوجه مع هولاكو بجنوده وتوجه هو يعني هولاكو بجنوده مع من معه من المسلمين après son refus هولاكو se dirigea avec ses soldats et avec les musulmans qui l'accompagnaient لأنه قام بائتلاف يضم بعض الأمراء أمراء المسلمين parce qu'il avait organisé une coalition qui contenait quelques émirs de musulmans أمير الموصل l'émir de Mossoul ou Amir Shiraz yani bil janoub al-Irak et l'émir de Shiraz qui se trouvait aussi au sud de l'Irak alladhina khafu minhu ces émirs qui avaient peur de lui fa hafaru Baghdad min ash-sharq wal-gharb ils ont assiégé Bagdad de l'est et de l'ouest thumma inna al-wazir ash-shi'i al-kha'in ibn al-alqami par la suite le ministre fils de l'Alqami, ce ministre traître qui fut un chiite, al-muttafiq ma'ahu Hulagu, qui avait passé un accord secret avec Hulagu, ashara al-khalifa bis-sulh ma'a at-tatar. Il proposa au calife de conclure un traité de paix avec les Tatars. Wa dhahaba ilayhim bi-idn al-khalifa et ce ministre traître est parti voir les Tatars. Après une autorisation du calife, wa akhadha minhum al-uhud li nafsihi faqat muqabil musa'adatihim. Il conclut des pactes avec eux afin de garantir sa vie pour lui seul en contrepartie de l'aide qu'il va leur fournir. Falamma raja'a qala lil khalifa innahu laqu yurid an yuzawwij ibnatahu biibnik. Kadhib. Et après son retour, il a dit au calife que Hulagu cherche à faire marier sa fille avec ton fils. ويبقيك في منصب الخلافة. Il va te laisser, il va te maintenir comme calife, ويطلب منك الطاعة فقط, et il te demande uniquement l'obéissance. وسينصرف عن بغداد بجيوشه, et il va quitter Baghdad avec toute son armée. فليجب مولانا إلى هذا الطلب. Et que notre maître, ça veut dire le calife, accepte cette offre. فَإِنَّ فِيهِ حَقْنُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. Parce que dans cette offre, s'il répond positivement à cette offre, il va préserver les vies musulmanes. وَالرَّأْيُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ. Et mon avis, c'est que tu sortes vers lui. فَخَرَجَ الْخَلِيفَ لِمُقَابَلَتْهُ لَاكُ مَصْحُوبًا بِأَوْلَادِهِ الثَّلَاثَ. Et le calife est sorti pour rencontrer au lago, accompagné de ses trois fils. فَأَنْزَلَهُمْ فِي خَيْمَةٍ. Il les a mis, les trois ou les quatre, dans une tente. ثُمَّ رَجَعَ الْوَزِيرُ إِلَى بَغْدَادِ فَطَلَبَ الْعُلَمَاءُ وَالْأَعْيَانِ لِحُضُورِ الْعَقْدِ. Par la suite, le ministre traître revint vers Bagdad et il demanda aux savants et aux notables d'assister à la signature du pacte. فَخَرَجُوا ثَلَاثَ آلَافٍ مِنْ بَغْدَادِ. Et 3000 savants et notables sont sortis de Bagdad. Lorsqu'ils arrivèrent chez Olago, on leur a tranché les têtes. Et le calife toujours dans sa tente. Par la suite, on lui a demandé de demander à son tour ou d'ordonner à tous les habitants de Bagdad de déposer les armes, de se désarmer. Et le calife a donné ses ordres. L'histoire qui se répète identiquement à elle-même, le désarmement. Désarmez-vous afin qu'on vous frappe. Lorsque les habitants de Bagdad se sont désarmés, amarahu laku al-junud bil hujum ala Baghdad. Olago a donné ses ordres à ses soldats d'attaquer Bagdad. Fabada'u bil qatl. Ils ont commencé le massacre, pas le massacre, la boucherie. Wa salb, et à prendre les biens des gens. Wa irtikab al-munkarat, y a commettre des crimes abominables. Wa tahdim al-buyut, y a détruire les maisons. Wa takhrib al-qusur, y a à démolir les châteaux et les palais. Wa itlaf al-kutub, wa ramiha fi dijla, et déchirer les livres des musulmans et les jeter dans le Tigre, le fleuve du Tigre. Li muddat 40 yawman, et ceci a duré 40 jours. حتى قتلوا مليونا من الناس, jusqu'au point de tuer ou de massacrer 1 million de personnes musulmanes. ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو في مقبرة. À part ceux ou ceux qui ont échappé sont ceux qui se sont cachés dans des puits, au fond des puits ou dans des tombes du cimetière. وبعد ذلك أرسلوا الخليفة إلى بغداد. Par la suite, ils ont demandé ou ils ont ordonné au calife de partir à Bagdad, Birufqat al-Wazir ibn al-Alqami, accompagné du prêtre ou du ministre fils de l'Alqami, liyadul al-Khalif al-Junud hulaku ala amakin al-Dahab wal-Mujawharat, afin que le calife leur montre les lieux d'or et de perles. Walamma ada ila hulaku, à son retour vers hulaku, ça veut dire le calife, qatalahu في يوم الأربعاء 14 من شهر صفر. Olago lui a coupé la tête dans le vendredi 14 du mois صفر من سنة 656 هجرية, dans l'année 656 de l'Hégire, 1259 للميلاد, en l'an 1259 de l'ère chrétienne. وقتل أولاده معه. Il a tué de la même manière les fils du calife. وفي نفس اليوم الأربعاء من شهر صفر دخل الأمريكيون إلى بغداد. وفي نفس اليوم سقط صدام صدام. Et dans le même jour, mercredi du mois de Safar, les Américains sont entrés à Bagdad et la statue de Saddam a connu sa chute. وخرج الناس بعد 40 يوما من التدمير في بغداد في عهد التتار, وبغداد خاوية على عروشها. Il y a près 40 jours à Bagdad, à l'époque des Tatars, les gens sortirent de leurs cachettes, des tombes ou des puits, après 40 jours de ravage. وبغداد خاوية كما قلت على عروشها. Et Bagdad était une ville déserte, vide. خرج الناس من الآبار والمقابر. Tu voyais les musulmans qui sortaient des puits et des tombes. كأنهم الموتى يخرجون من القبور. Ils ressemblaient à des morts sortant de leur tombe. وكانت أكوام من الجثث في الشوارع. Il y avait des montagnes de corps humains ou de cadavres d'humains dans les rues. فانتشرت الأمراض, ce qui a provoqué des maladies. فمات خلق كثير, et ce qui a causé la mort de plusieurs musulmans par la suite. وذهب هولاكو وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادور ومعه ابن العلقمي كوزير. Et par la suite, Hulagu a nommé à la tête de Bagdad l'émir Ali Bahadur et a confirmé ابن العلقمي dans son poste de ministre. وكانت نهاية الدولة العباسية. Et ce fut la fin de l'empire abbasside. أما الخائن ابن العلقمي, en ce qui concerne le traître, fils de العلقمي, فأدله كثيرا التتار الذين ساعدهم. Les Tatars les ont ou l'ont trop humilié. فمات في نفس السنة كمدا وضيقا. Et il était décédé dans la même année par tristesse et colère. وأما التتار والمغول فدخلوا في الإسلام. سبحان الله. Mais en ce qui concerne les Tatars et les Mongols, ont choisi la religion de l'islam. Ils sont devenus quelques années par la suite des musulmans. بعد سنوات صاروا مسلمين وساعدوا في نشر الإسلام. Et ils ont participé à l'expansion de l'islam. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Si vous faites volte-face, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. وقاعدة السلف, et la règle de nos ancêtres, ما وقع بلاء إلا بذنب. لما ترى المصيبة, لما ترى البلاء ينزل على المسلمين, فاعلم بأن المسلمين عصاة قاموا بذنب فأنزل الله عليهم العقاب. ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. La règle dit, un malheur n'arrive qu'à cause d'un péché et ne part qu'avec un repentir. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, Amour, il a le hadith al-thalith wal-akhir. Je passe au troisième et dernier événement. Wa antum ta'rifunahu, que vous connaissez. Wa huwa suqut Baghdad fi nafs al-shahr, shahr Safar, qui est la chute de Bagdad dans le même mois, le mois de Safar, fi sanat 1424, dans l'année 1424 de l'Hégire, 2003 dans l'ère chrétienne, 2003 lil-milad. كما سقطت في الماضي أمام المسلمين ثم أمام التتار والمغول دائما في شهر صفر. Exactement comme elle a chuté dans le passé devant les musulmans et devant les tatars et mongols, toujours dans le même mois de Safar. التاريخ عاد نفسه. L'histoire se répéta identiquement à elle-même. بدل هجوم التتار والمغول هجم هذه المرة الأمريكان والبريطانيون. À la place de l'attaque des Tatars et des Mongols, cette fois-ci, il y a eu l'attaque des Américains et des Britanniques. وبدل مساعدة أمير شيراز بالجنوب كانت هناك مساعدة بعض دول الخليج. يا لا بلاس دو ليد دو ليمير دو شيراز او سود يا او اون ايد ابورتي بار كيلكو بيي دو غولف. وبدل أمير الموصل بشمال العراق كانت مساعدة الأكراد. اي à la place de l'aide de l'émir de Mossoul au nord de l'Irak, il y a eu l'aide apportée par les Kurdes. وبدل مساعدة الوزير الخائن ابن العلقمي, il y a la place de l'aide du ministre traître fils de العلقمي, كان بعض العسكريين الخائنين هم الذين ساعدوا على إسقاط بغداد في 48 ساعة من غير مقاومة. À la place de ce ministre, il y a eu quelques militaires traîtres qui ont facilité la chute de Bagdad en moins de 48 heures de résistance. التاريخ عاد نفسه. L'histoire s'est répétée identiquement à elle-même. وبعد خمس سنوات من إعلان حرب الخليج الثانية, et après cinq années de la déclaration de la deuxième guerre du Golfe, هذه الحرب التي رفضها معظم بلدان العالم, cette guerre qui a été refusée par la majorité des pays du monde, وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا وروسيا والصين, et à leur tête la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine, ولم تكن شرعية لمعارضة هيئة الأمم المتحدة, et cette guerre qui n'était pas légitime à cause de l'opposition de l'ONU, أقف عند ثلاث نقاط. Je m'arrête devant trois points. النقطة الأولى, le premier point, أن أمريكا ذهبت للعراق من أجل ثلاث أشياء في الظاهر. Que les États-Unis d'Amérique sont partis vers l'Irak pour trois points soulignés en apparence. النقطة الأولى, le premier point, أسلحة الدمار الشامل. Les armes de destruction massive, وكانوا متيقنين من وجودها. Ils étaient sûrs de leur existence. كانوا يقولون إن عندهم أدلة قوية على ذلك. Ils disaient qu'ils avaient des preuves et des arguments forts qui prouvent ceci. وكانوا يريدون إطفاء الشرعية للحرب بوجود الأسلحة. Ils voulaient donner une légitimité pour cette guerre grâce à la découverte de ces armes. ثم تبين العكس بأن العراق خال من الأسلحة. Et par la suite, il y a eu le contraire. Tout le monde a appris que l'Irak n'avait pas des armes de destruction massive. النقطة الثانية, le deuxième point, محاربة الإرهاب, الإرهاب والقضاء عليه. Finir avec le terrorisme ou combattre le terrorisme et en finir. ثم تبين العكس. Et après, il y a eu le contraire. وجود أمريكا بالعراق صنع مقاومة مسلحة. La présence des Américains en Irak a produit une résistance armée au Irhab en Hazab America ou bien un terrorisme selon les Américains. وبعد خمس سنوات لم تستطع القوة الأولى في العالم القضاء على هذه المعارضة أو هذا الإرهاب. Et après cinq ans, la première puissance du monde n'a pas pu anéantir cette opposition ou bien ce terrorisme. بل صار أكثر قوة وتنظيما. Plutôt cette résistance est devenue plus organisée et mieux organisée. والحصيلة أكثر من 4000 قتيل أمريكي. Et le résultat, plus de 4000 morts américains. وأكثر من عشرات الآلاف من العراقيين. Et plus des dizaines de milliers de morts parmi les Irakiens. الثالثة, النقطة الثالثة, le troisième point, إحلال الديمقراطية والأمن بالعراق, établir la démocratie et la sécurité en Irak. ثم تبين العكس. Et par la suite, il y a eu le contraire. فضائح, des scandales, كفضيحة سجن أبو غريب, comme le scandale de la prison d'Abu Ghraib, وعدم الأمن et l'insécurité jusqu'à maintenant, كما قلت أكثر من 100,000 قتيل, plus que 100,000 morts parmi les Irakiens, وعشرات الرهائن منهم من قتل, et des dizaines d'otages parmi lesquels il y a eu des morts. وناس ندموا على عهد صدام. Il y a même des gens qui ont regretté l'époque de Saddam. وهذه الأشياء الثلاثة تبين خطأ هذه الحرب. Ces trois points montrent l'erreur de cette guerre. والحل هو خروج الأمريكيين من العراق la solution est la sortie des Américains de l'Irak وتبديل القوات الأمريكية بقوات أممية لحفظ السلام et remplacer les forces américaines par des forces onusiennes pour préserver la paix وانتخابات حرة et des élections libres وإعادة بناء العراق بأموال أمريكية وبريطانية وأممية et la reconstruction de l'Irak avec des fonds américains, britanniques et onusiens وتعويض العائلات المتضررة من الحرب et d'indemniser les familles qui souffrent ou qui ont souffert de la guerre, sinon ce malheur va perdurer. Deuxièmement, je m'étonne devant le fait que le musulman irakien tue son frère musulman irakien. في الحفلات الدينية فيموت العشرات. Comment on ose jeter des bombes dans des cérémonies religieuses et par la suite il y a des dizaines de morts. وكيف يقتل الأئمة. Comment on ose tuer des imams. وكيف تهدم المساجد بيوت الله. Comment on ose détruire les mosquées, maisons de Dieu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول et le prophète prière et sage lui dit إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Si deux musulmans se rencontrent avec des épées à la main, le tueur et le tué seront dans le feu de l'enfer. والله ذم قوما في القرآن قائلا. Dieu a blâmé un peuple dans le Coran, dans un verset coranique, pour leur dire يخربون بيوتهم بأيديهم. Ils démolissent leurs maisons de leurs propres mains. وهؤلاء يخربون بيوت الله بأيديهم. Et ceux-là détruisent les maisons de Dieu avec leurs propres mains. ربما يقول قائل ليس المسلمون هم الذين يفعلون هذا. Peut-être quelqu'un va dire ce ne sont pas les musulmans qui font ceci. أقول التاريخ القديم والمعاصر يقول العكس. L'histoire ancienne et moderne dit le contraire. وأتمنى أن لا تقوم حرب أهلية بين السنة والشيعة. Et je souhaite qu'il n'y ait pas une guerre civile entre les membres du Sunna et de Shia. ثالثا وأخيرا, troisièmement, et qui est le dernier point, رأينا كيف يعاقب الله الظالم إذا كفر ظلمه. On a vu dans cette histoire comment Dieu punit l'injuste lorsque ces injustices deviennent nombreuses. يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. Il le punit dans cette vie ici-bas avant l'au-delà. رأينا كيف جاءت ساعة صدام. Nous avons vu comment l'heure de Saddam a sonné بعد 24 سنة من الظلم والطغيان. Après 24 ans d'injustice et de tyrannie. خرج من باب التاريخ الصغير. Il est sorti de la petite porte de l'histoire. وسقطت أصنامه في مدن العراق. Et ses statues sont tombées dans les villes d'Irak. كان يعيش في ساعة القصور. Il vivait dans la largesse des palais. فصار يعيش قبل موته في ضيق السجون. Et à la fin de sa vie, il vivait dans l'étroitesse des prisons. إنها قوة الله. Telle est la puissance de Dieu. جعل من الرئيس صدام عبرة لكل ظالم. Il a fait de Saddam une leçon pour toute personne injuste. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne crois surtout pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. وأعود بسرعة للمغول. Je reviens rapidement vers les Mongols. فبعد العراق وإسقاط بغداد. Après l'Irak et la chute de Bagdad, توجهوا إلى سوريا وأسقطوا دمشق. Ils se sont dirigés vers la Syrie et ils ont provoqué la chute de Damas. بعدما أسقطوا بغداد وبعدما أسقطوا قبلها إيران. Donc ils ont provoqué la chute de Damas comme ils ont provoqué auparavant la chute de Bagdad et avant Bagdad la chute de l'Iran. ثم انهزموا امام القوات المصريه. Et par la suite ils ont connu leur défaite devant les forces égyptiennes بعين جالوت au site qui s'appelle عين جالوت. واما هولاكو فقد اصابه الصرع. Tandis que هولاكو il a été touché par une maladie d'épilepsie بعدما راى جيشه يهزم. Après avoir vu sa grande armée subir une défaite وبعدما راى جيشه يسلم ابن عمه المسلم بركة خان et lorsqu'il a vu son armée embrasser l'islam avec son général son cousin بركة خان ومات هولاكو بعد سبع سنوات et après sept ans هولاكو a connu la mort. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه si l'histoire se répète identiquement à elle-même فأسأل الله تعالى وتبارك أن يكون سقوط بغداد وما صار في العراق سببا في إسلام الأمريكيين وفي إسلام البريطانيين لنشر ومساعدة الإسلام. Si l'histoire se répète identiquement à elle-même, je demande à Dieu que ce qui a eu lieu en Irak soit une raison pour l'islam des Américains et l'islam des Anglais, comme exactement l'islam auparavant des Tatars et des Mongols. Il est capable de tout faire. إنه على كل شيء قدير. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، اللهم نسألك في هذا اليوم أن توقف الحرب في العراق. اللهم إنا نسألك إيقاف هذه الحرب الظالمة في العراق. اللهم رد للعراق أمنها ومجدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشتكي إليك في هذا اليوم. اللهم بعد خمس سنوات اللهم رد الأمن والطمأنينة للعراق والعراقيين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أنزل الأمن والرحمة في كل بلاد المسلمين، في فلسطين وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل الدول الإسلامية برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.